إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تستطيع أن تعيد لنا القواعد التي أخذنا في الدرس الماضي؟ لأن قواعد كنا فيه يعني كانت خمسة. أيوة، لا واجب إلى بالاقتداء، il n'y a pas d'obligation lors de l'incapacité. Au contraire. Fait d'ittira. أيوة. Pas de haram dans la contrainte, dans les choses où, qui ne nous reviennent pas. نعم. Ah, ça sert à... C'est la même règle. Ça rentre dedans. Tu veux dire al-darura tubih al-mahdhur. Ça rentre dans la règle. Naam, wa aidan. Aksar. La première qu'on avait pris, ils étaient tazahama al-masalihi, yuqaddam ala al-masalihi. Parce que tu as deux maslahas qui se présentent à toi, et tu n'as pas le choix, tu dois faire l'une des deux, tu prends la meilleure. Et le contraire. Et lorsque tu as deux mafsadah, que tu es contraint, tu prends la moins grave des deux. Akhazna, que la difficulté amène la facilité. On l'a pris dans les cinq premières au début du livre, et après les revenus là. Rasna kazalik, qu'on a repris aussi, la certitude ne part pas avec le doute. Et on s'est arrêté là. Et celle-là aussi, on l'a pris au début du livre. طيب نواصل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Que la base dans nos eaux, les eaux, tout ce qui est les eaux, c'est la purification. Également tout ce qui est la terre, les matières qui se rapportent au sol, les vêtements, les pierres. Tout cela, la base dans ces choses-là, c'est At-Tahara. قال بحارها وانهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباق والرمل والمعادن والأحجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بتروء النجاسة عليها. Donc la base dans ces choses-là, c'est qu'elles sont pures. Les eaux, toutes les eaux des fleuves, l'eau de la mer, l'eau des puits, l'eau des sources, toutes les eaux naturelles qui viennent, elles sont pures, des torrents et akada. Ainsi que la terre, le sol, le sable, les pierres, même les métaux, ainsi que les arbres, tout ce qui est plante, ainsi que toute forme de malabis, de vêtements, la base, c'est qu'elles sont toutes pures. Ces choses-là sont toutes pures, jusqu'à ce qu'une chose vienne te démontrer avec certitude qu'elles sont najasa. Donc demain, quelqu'un quelque part, il voit un sol, il se dit, est-ce que ce sol est pur pour que je fasse tayammum? On dit là-bas, c'est qu'il est pur. Tant que t'as pas de preuve qu'il a été souillé, il est pur. Quelqu'un demain, il vient près de l'eau, il veut faire l'eau, il voit une source d'eau, quelque chose, il dit, je sais pas si cette eau elle est pure ou pas. On dit là-bas, c'est qu'elle est pure. Tant que t'as pas une chose qui démontre qu'elle a été souillée. Et quelles sont les trois choses qui te demandent que l'eau ait été souillée? Ma yal asha falafa lati tubiyina kana al ma'a ghayr tahir. Il y a trois choses. Son odeur a changé. Non, son odeur. Sa couleur. Sa couleur. Et son goût. C'est tout? Précise. Parce que c'est pas toute chose qui a le goût a changé, ou l'odeur a changé, ou la couleur a changé, qu'elle devienne impure. Elle devient impure si elle était atteinte par une najasa. Si elle était atteinte par une de ces choses-là, elle n'est plus tahour. Tahour, c'est lorsqu'elle est purifiante en elle-même, ou plutôt purifiée en elle-même, et purifiante. Lorsqu'elle, l'une de ces trois caractéristiques change, pas autre qu'une najasa, elle devient alors juste purifiée. Mais non purifiante, tu ne peux pas faire le dos avec. Mais elle reste pure en elle-même. Donc là, on est de même pour ces choses-là. De là, tu passes à un endroit, comme ce fut le affaire de Omar ibn Khattab, qu'un homme passe près d'une maison où il y a de l'eau de cette maison qui a coulé sur la personne, qui a touché le vêtement de la personne. Il lui dit, « Ya sahib al-dar, min ayna hadha al-ma'? » Cette eau vient d'où? Omar, il ne t'a pas demandé. Le « Ah, c'est qu'elle est pure. » S'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas une chose qui te montre que c'est l'eau. Sinon, c'est la porte au wasawis. Une porte au wasawis que tu vas avoir. Donc pareil, demain, tu mets des vêtements sur toi. Tu te dis, mais est-ce qu'ils sont purs ces vêtements? Là-bas, c'est que c'est pur. Voilà, délil par rapport à l'eau, c'est « وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا تُهُورَ » Donc on fait descendre des cieux une eau purifiée et purifiante. « وَالْبَاقِي » وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Oui, c'est celui qui écrit sur vous tout ce qui est sur terre, c'est-à-dire pour qu'on puisse en profiter. Donc la base, dans ces choses-là, c'est qu'elles sont pures. Donc là, ça ferme la porte au wasawis, à se demander ce que c'est pur ou ça ne l'est pas. Tu vois du sable, tu vois une pierre, est-ce qu'elle est pure? Elle est pure à la base, tant que tu n'as pas une preuve du contraire. Non. Ça revient à la qaïda, al-yaqin la yazulu bishak. Amen. Taïb. ثم قال والأصل في الأبداع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل. Il dit que par contre maintenant la base dans tout ce qui est rapport avec les femmes ou les viandes, la chair que tu manges ou la vie ou les biens des gens préservés, là-bas, c'est que c'est interdit. Même là-bas, c'est que c'est interdit. Juste parce que tu as une preuve qui te prouve que cela est licite. Là-bas, c'est tout cela, c'est interdit. Donc il dit, comprends cela et qu'Allah te guide. On en verra pour toi. Allez, voilà. Alain, c'est la cool. Ya'ani, an al-aslu fi yadi al-ashiya et tahalim hatta yatayakan al-hil. Fal-aslu fi al-abda' et tahalim wa al-abda' watu al-nisa. Fala yahillu illa bi yakin al-hil. Imma bi nikah sahih ou milk al-yamin. كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. Voyez, c'est-à-dire demain, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec une femme tant que tu n'as pas la certitude qu'elle est ta femme ou qu'elle est ton esclave. Là-bas, c'est que c'est interdit. Une femme qui vient à l'étrangère, là-bas, c'est qu'elle est interdite. Quand même, elle est interdite. Sans compter sur cela qu'il y a des femmes qui en plus sont interdites. Mutlaqan, il est abad à toujours. D'autres, elles sont interdites, muqqatan, à des moments définis. Après, ce tahrim peut s'arrêter. Par exemple, tu te maries avec une femme, sa sœur t'est interdite. Est-ce qu'elle est interdite, elle est abad? Non. Elle est interdite tant que tu te maries avec sa sœur. Si demain sa sœur venait à mourir, ou tu l'as divorcée, ou en règle des cas, il y a une séparation, tu peux te marier avec l'autre sœur par la suite. Et t'as d'autres femmes, elles sont interdites, il est abad, comme ta mère, comme tes sœurs, comme tes filles, comme les filles les filles de tes frères et sœurs, la grand-mère. Pour El Zalika, les filles de lait, on va faire ça. Donc la base d'une femme étrangère, quand même ajnabiya, elle asofiha tahrim. Tu n'as pas à la toucher, tu n'as pas à avoir de rapport avec elle. Et là, ça ferme la porte à bien des mots. D'une part, si elle est célibataire, tu ne tombes pas dans le zina. D'autre part, s'il est marié, eh ben, tu évites de faire avoir une rixe entre une femme et son mari par ton biais. Ça, alors que quelqu'un il dit ouais, si là-bas serait le contraire, ça ouvrirait la porte à toutes les turpitudes. Donc là, là-bas, c'est que les femmes te sont interdites à la base, donc t'as pas une preuve qui te montre que cette femme-là t'est rendue permise. Il dit le hum, tout ce qui est viande. Là, attention, on précise bien les viandes, on parle pas de l'animal. La base, l'animal en lui-même, il est licite si jamais tu l'as égorgé, à part ce qui est interdit. La nourriture là-bas, c'est tout illicite, tant qu'on n'a pas une preuve qu'il est interdit. Là, il part d'une viande qui est déjà prête, pas l'animal. Par exemple, demain, tu vas quelque part, il y a un bout de viande. Tu dis, il est halal ou il n'est pas halal ? Là-bas, c'est qu'il n'est pas halal pour toi. Pourquoi ? Car à la base, cette viande devient halal quand elle a été égorgée par un musulman ou un kitabi et que le nom d'Allah a été prononcé. Donc, c'est une chose en plus qui est demandée en plus. Donc, est-ce que tu le sais ça, ou tu ne le sais pas ? Donc, là-bas, c'est cette viande-là, elle est haram pour toi. Maintenant, si tu sais que c'est une viande, la viande d'un musulman, ah, ça, elle est halal. Tu sais que c'est la viande d'un kitabi qui a prononcé le nom d'Allah, elle est halal. Donc demain, tu es quelque part, tu es à un endroit, quelque part, il y a un plat qui t'est servi, dedans il y a de la viande, tu ne sais pas d'où il vient ce plat. Qui l'a confectionné, qui l'a cuisiné ou quoi. Tu ne le manges pas. Après, on te dit, c'est un musulman qui l'a fait, khalas, tu le manges. Et si jamais on te demande ce qu'il a, il a dit bismillah, toi, tu vas dans le hadith d'Aïcha, voilà, parce que de la viande lui est parvenue, elle a dit, ma adri, hel sammullah amla, qalaf, anti sammi. Allez. Toi, tu nommes Allah dessus. Tu dis bismillah et tu manges. Ça, c'est quoi? C'est de la viande qui vient d'un musulman. Pas genre demain une viande vient, tu dis, ouais, je sais pas c'est qui, bismillah, je mange. Non. Si tu sais qu'il y a un musulman, tu sais pas s'il a dit bismillah ou pas, ce hadith te démontre que toi, tu dis bismillah et tu manges. Après, si Amélie n'a pas fait la basmala, tasmiya, ma'a n'a qu'il. Toi, t'as appliqué le hadith. Maintenant, demain, t'entends l'islam. La viande qui vient, le os, c'est quoi? C'est qu'elle est halal. Car t'es chez les musulmans. Et là-bas, c'est qu'eux, ils s'amènent Allah, à la luhumihim. À part, c'est un indice qui te montre que là, c'est souvent le contraire. Mais c'est là, ici, au Yémen, beaucoup des poulets qui sont vendus, surgelés au restaurant, c'est mustawrada. Ils sont importés du Brésil, de la France, de l'Espagne, des pays de Kouf. Donc là, on sait que la base chez eux, c'est ça qu'ils vendent en plus. Donc là, tu demandes, min ayna hada? El wa baladi ou mahalli? Est-ce qu'il est de l'extérieur ou il est ici du pays? C'est-à-dire, si tu dis, il est au khalidi, si tu dis des baladi, khalas, tu manges. Tu dis que c'est un poulet du Yémen, khalas, tu manges. Je ne demande pas ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa, tu manges. Tu dis, il est d'ici. Par contre, il dit, khalidi, tu demandes d'où? Ça s'en fout des Khalidi, à l'extérieur, mais d'un pays d'islam. Ça veut te dire, il est de la Jordanie, Ordon, ou de Misr, ou de l'Islandie. Là, si tu dis ça, tu manges. C'est des pays d'islam. Par contre, il te dit, c'est un poulet qui vient de France, tu ne le manges pas. Même écrit halal dessus, tu ne le manges pas. Il te dit, c'est un poulet du Brésil, tu ne le manges pas. McDo, pays de Kouf, tu ne manges pas, c'est haram. Ah non, c'est eux qui font, c'est eux qui cuisinent. Donc là-bas, c'est que c'est halal. Là-bas, c'est que c'est halal. Les restaurants au pays d'islam, là-bas, c'est que c'est halal. Tant que t'as pas une chose qui te montre qu'on sait que c'est haram. Il te dit que c'est khalidi, tu demandes d'où? Car c'est pas tout ce qui est khalidi qui vient d'un pays de Kouf. Il peut te dire, c'est une viande qui vient de Saoudi. Ah, tu manges. C'est une viande qui vient du Pakistan. Ah, tu manges. C'est une viande qui vient de tel pays d'islam. Tu manges, ma fiché. Donc là, demain, il y a un McDonald's ou il y a, je sais pas, un KFC, où il y a un Quick, où il y a un Burger King, dans un pays d'islam, là-bas, c'est que c'est halal. Ah, mais en pays de Kouf, non. Il ne faut pas se dire, la choubouette, c'est les kitabiyin, donc on mange. On dit, déjà, à la base, c'est plus des kitabiyin. En France, c'est des imaniyoun, c'est des laïcs. Et de plus, avant, on n'allait pas égorger selon le rite de l'islam. Là, quand on l'a rendu kitabi, c'est le kitabi, ou tamasik bidini, et qui a, à la sahih, qui a nommé Allah sur sa zabiha. C'est pas demain un chrétien il vient, tiens, c'est une viande, mange-la, il a un pendentif avec une croix autour du cou. Tu dis, tiens, ça c'est la viande, je te l'offre, mange. Il faut d'abord savoir est-ce que c'est un bon chrétien, un vrai chrétien. Pas un bizarroïde. Et à côté de ça, est-ce qu'il l'a nommé Allah? Car s'il l'a nommé Bismirissa au Rey Zalika, alors ça rien, c'est haram. Même, donc la base dans les femmes étrangères et dans les viandes, c'est le tahrim. Tant que tu n'as pas la preuve que c'était rendu halal. Il dit également après, par rapport à cette règle-là, les vies et les biens des gens préservés, là-bas, c'est qu'elles sont haram. Tu n'as pas le droit de tuer une personne, par exemple un musulman, là-bas, c'est que son sang, il est haram. Et ses biens sont haram. Tu n'as pas le droit de les prendre. Ou celui qui est un pacte. Le kafir, qui est dans l'islam, avec un pacte de paix. Tu n'as pas à le toucher. Bon, Alexa, ni lui, ni ses biens. C'est la base. Maintenant, il y a des choses qui sortent de cette base qui font que son sang peut devenir permis. Sa vie et ses biens. Masalan, un musulman qui a commis un acte qui appelle à une uqouba, une sanction. Fahaza yukam al-had alayhi. Lui, là, à partir de ce moment-là, il peut avoir droit à la peine de mort, ça dépend ce qu'il a fait. Ou alors, il peut avoir droit à une sanction qui touche à ça. Par exemple, comme le fait de couper la main du voleur, s'il vole sous des conditions. C'est pas n'importe quel vol non plus. Avec les conditions, ou les alikas. Donc là, sa personne n'est plus préservée. Car il y a des adilek de mon con, on doit lui appliquer la sentence. Par contre, tu ne coupes pas plus quand même que la sentence prescrite. Parce que là, on dit quoi ? Là-bas, c'est qu'il est interdit. Tu n'as pas à lui faire du mal. Donc, par exemple, demain, tu dois flageller un zani qui était bikr, qui n'a jamais eu de mariage. C'est combien ? 80 coups de fouet. Tu n'as pas à lui faire 85. À partir du 80e, c'est fini, tu ne touches plus. Celui qui a volé, avec les conditions, tu coupes la main. C'est pas que tu coupes jusqu'au coude. Tu coupes la partie qui est légiférée. Tu rajoutes pas. Demain, quelqu'un, Mathalène, il ne paie pas la zakat. Tu lui prends de force. Quelqu'un, par exemple, il a une dette, il ne veut pas la payer. Le gouverneur vient prendre l'argent de force. Il prend juste la somme de la dette, pas plus. Et il donne l'argent au revenant droit. Pas plus. Car ça, à la base, son bien, ses biens sont interdits. Ce qui amène à dire quoi ? Que beaucoup des sanctions prises des biens des gens sont haram. Il y a beaucoup de sanctions qui ont été faites aujourd'hui où on te prend tes biens et c'est pas permis. Par exemple, tu fais telle chose, tu payes une amende de telle chose. Mais non, c'est pas dans l'absolu, ça dépend ce que tu as fait. Les choses, on peut prendre tes biens. Les choses, non. D'autres choses, non. Tes biens sont haram, c'est ça la base. On ne peut te les prendre qu'avec un dalil qui te le permet. Et kazalik, le kafir, le mu'ahid, qui est qu'un acte de, un pacte de paix. Il vient en pays d'islam avec une garantie de paix. Lui, tu ne le touches pas. Ni sa vie, ni sa personne, ni ses biens. C'est haram sur toi. Dis pas, c'est un kafir, bismillah, on prend ses biens. Non, t'as pas le droit. Quand il vient en pacte de paix, il est préservé par le gouvernement, toi t'as pas à le toucher. Maintenant, s'il commet une chose qui amène une sentence, ça revient au gouverneur d'appliquer sur lui la sentence, pas à toi. Toi, la Salène, tu l'as vu faire une chose qui mérite cela, tu en informes les autorités. Tu dis, lui là, il a fait telle et telle chose. Après, eux ils viennent, ils s'occupent de lui, toi, t'as fait ton travail, t'as fait ton wajib, Munkar Munkar, Bulisan, à ce moment-là. Là, c'était là les règles. Que la base en les rapports avec les femmes étrangères, même les femmes de façon générale, parce que même les femmes qui ne sont pas étrangères, à la base c'est interdit de toute façon, même pas à la base, mutlakan c'est interdit. Et les viandes que tu viendras trouver dont tu ne connais pas la provenance, ainsi que les biens et la vie des gens préservés comme le musulman ou comme celui qui a un pacte de paix, la base en cela c'est que c'est interdit tant que tu n'as pas une preuve qui te montre au contraire. طيب بعد هذا قال والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. Donc là il vient que la règle la base dans les choses, tout ce qui est coutume et choses de la dunya, la base c'est que c'est la permission. Et tout ce qui touche à la religion ou ibadat, l'asl est tahrim. Tout ce qui touche au char, la sharia, l'asl, tahrim, tant que tu n'as pas une preuve qui te permet de faire cette adoration ou cet acte lié à la religion. قال وهذان الأصلان ذكرهما الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العبادة الإباحة في الأصل في العادة فن أن الأصل في العادة الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه وأن الأصل في العبادة الحذر الحذر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. Donc là, Cheikh l'Islam, il dit que dans ses kutub, il en a beaucoup parlé, il dit que c'est là-dessus que l'imam Ahmed a bâti son mazhab. Que la chose dans les, la base dans les coutumes, les choses de la dunya, la base, c'est qu'elles sont permises. Tant qu'on n'a pas une preuve qu'il interdit. Les choses quotidiennes de tous les jours. Et la chose dans les ibadat, la base, c'est qu'elles sont interdites, qu'elles ne sont pas légiférées tant qu'on n'a pas une preuve qui nous montre qu'elles sont légiférées. Donc c'est quoi les adat? C'est les choses sur lesquelles les gens ils vivent, comme façon de manger, de boire, la façon de s'habiller, les déplacements, la façon de parler, les comportements, qui ne sont interdites que lorsqu'on a une chose qui l'interdit. Interdit par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Soit par un texte clair, ou soit par un qiyas sahih. والدليل c'est quoi? هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Il est celui qui a créé pour vous ce qu'il y a sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est pour vous. Donc cela démontre que tout ce qu'il y a sur terre à la base a été créé pour nous afin qu'on puisse en tirer profit. Mathalen, tu as le droit de manger ce que tu veux tant que c'est halal. Les nourritures, la viande, l'animal en soi est permis tant que tu n'as pas une preuve, c'est interdit. Donc également, tu t'habilles comme tu veux, tant que tu n'as pas une chose qui t'interdit, ce vêtement. Comme par exemple, mais ce qui est propre aux femmes, c'est interdit. Ce qui est propre aux femmes, c'est interdit. Même les choses communes, mouchtalika, là, la abaisse. Ah, mais ça, c'est une masala qui est difficile à cerner. C'est quand la limite, quand tu rentres dans ta chapeau de koufar. C'est une masala qui a beaucoup de débats, et c'est vrai que des fois, c'est confus. Il y a des choses, c'est vrai, on a du mal à pouvoir cerner. Il y a des choses, c'est clair. Comme les vêtements, dans l'autre verset, on avait parlé, les vêtements de leur oubad, liés à leur religion. Ça, il n'y a pas à discuter. Demain, tu ne vas pas mettre le vêtement du juif, ou du prêtre, ou à Kaza, ou les vêtements de femme. Tu ne vas pas mettre demain un jibbeb. Tu ne vas pas mettre le khibar de la femme. Il y a des choses, le sarawil, l'homme le met, la femme le met. Le izar, l'homme le met, la femme le met. Le Nabi Salam, comme ils ont déjà dans les hadith que ces femmes disaient comme Aïcha, ils ont hadat ihdana, amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fata'taziru fi yubashiruha fouk al-izar. Que si jamais l'une d'entre elles avait ses menstrues, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait voulait avoir des rapports avec elle, il leur donnait, alors il mettait un izar, et après il avait des rapports avec elle au-dessus du izar. Maintenant, c'est quoi un izar? C'est un vêtement qui se met autour de la taille et qui se serre. Izar, c'est pas une chose particulière, c'est tout ce que tu veux. Même demain, tu prends un drap et tu le serres à ta taille, et qui recouvre ta aura jusqu'au nid de sac, c'est un izar. Après, il y a des joueurs particuliers maintenant qu'on a au Yémen qui portent de différents noms, mais là-bas, ce sont un izar. On appelle ça un pagne en français. Comme les chaussures, à la base, c'est mouchtalik les chaussures. Mais on sait que maintenant, il y a des chaussures pour hommes, des chaussures pour femmes, des chaussures mixtes. Mafou ma'ala. Donc la base dans les choses, c'est la permission. Et les ibadat, les choses liées au din, le shara, là-bas, c'est qu'elles sont interdites, tu n'as pas une preuve qui te le permet. Wa dalil ma hu, man amila amilan lisa alayhi amruna fa huwa radd. Hadith Aisha. Celui qui fait un acte n'étant pas de notre enseignement, celui-ci est rejeté. Donc, Allah Ta'ala, am lahum shuraka'u shara'a lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur permettront en religion ce que Allah n'a pas autorisé? Donc la base dans les ibadat, c'est tahrim. Elles sont interdites. Tu ne fais pas une chose dans la religion tant que tu ne sais pas si elle est permise ou pas. Sinon, tu tombes dans la bid'a où ton acte serait refusé. Et c'est quoi les shurut de l'acte, ma'aloufa? Ouais, c'est quoi les shurut? Aïwa, Wabadoum Zado et l'islam. On dit trois, on dit deux, il en dit trois. On dit trois, l'islam, soit musulman. Elle est khalas, soit ça pour Allah, mutabak, soit conforme à l'enseignement prophétique. Et par rapport à ce verset, une faïda, يعني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ لا. شيخ العثيمين إلى ديكوا قال الشرك وكل عبارة لم يأمر بها الله، كل من يتعبد بعبارة لم يشرع الله فإنه مشرك، لأنه اتبع هواه. إلى ديكوا شيخ العثيمين سيد السلطة عليك اكتراث صلاة المستقيم لشيخ الإسلام يدي que le shirk, c'est toute adoration que Allah n'a pas ordonnée. Que celui qui adore Allah d'une chose que Allah ne lui a pas ordonnée, ne lui a pas autorisée, lui, le mushrik, il dit. Maintenant, le shirk, il a différentes catégories. Quand il a, en faisant cela, qu'est-ce qu'il aura fait ? Il aura suivi ses passions, et non pas Allah. Donc le verset, là, c'est une preuve que celui qui... Le mubtadi, il a une part de shirk dans ce qu'il fait. Le mubtadi, il a une part de shirk dans ce qu'il fait. Qu'elle a autorisé une chose qu'elle n'a pas autorisée. Ouais, ça vient à qui ? Ça vient à Allah. Ce hukm, il vient à Allah. Donc lui, leur associé, leur a permis une chose, sera permis de faire une chose qu'Allah n'a pas autorisée. Maintenant, est-ce que c'est du kufr qui sort de la millah ? Là. C'est pas du shirk qui s'est trouvé un kafir. C'est-à-dire, c'est pas un kafir. Ça dépend de la bida qu'il a faite. T'as la bida qui nous fasse séka, t'as la bida qui est un kafira. Celle qui te fait sortir de l'islam, comme par exemple invoquer autre que Allah, invoquer les amouettes. Car ils font ça, ils disent que c'est une ibada, certains d'entre eux. Donc c'est là, on va dire, c'est une bida, mon kafira. Et t'as les moufassika, comme, je sais pas, moi, Mawlid Nabawi. C'était l'anniversaire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres, tu connais. Très bien. Thumma qal, wasa'ilu l'umuri kal maqasidi, fahkum bihaza l'hukmu li zawa'idi. Wasa'ilu l'umuri kal maqasidi, fahkum bihaza l'hukmu li zawa'idi. Que les moyens employés pour les choses prennent le jugement de la chose que tu veux accomplir. Le moyen prend le jugement du but à accomplir. Et également, ce jugement s'applique sur les choses en plus liées à cette chose que tu veux faire dans les ibadah. Kefahada. قال يعني أن الوسائل تعطي أحكام المقاصد فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم به إلا به فما لا يتم الواجب إلا فيه إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. Donc il dit quoi? Que les choses que tu emploies pour appliquer une chose, elle prend son jugement. Par exemple, si demain une chose t'est ordonnée en religion d'accomplir et que tu ne peux accomplir cette obligation que par en utilisant certains moyens légiférés, alors ces moyens te deviennent obligatoires. L'explication, on a appris la salat. Le mosaïde, il est loin suffisamment pour que la salat te soit obligatoire et trop loin pour que tu aies à pied, que tu sois taille valeur et que tu aies une voiture. À ce moment-là, ta voiture est obligatoire. Ou la voiture ou n'importe quel moyen de transport qui t'amène au mosjid, tu es obligé de le prendre pour aller au mosjid. La hijra, pour la faire, il faut prendre les transports, mesalène, le bateau, l'avion, le train, la voiture. Donc à ce moment-là, on te dit, quelqu'un va être là, il va dire, moi je suis là, je veux aller dans tel pays d'islam, j'ai pas le moyen de transport. Donc c'est pas wajib pour moi, on dit c'est wajib. C'est wajib pour toi que tu prennes un billet d'avion, c'est mes avions. Un billet de bateau, c'est le bateau. Au moins de transport, tu partes. Pareil, bon, pour appliquer une sunna. Si la chose que tu veux faire c'est une sunna, et que tu ne peux pas faire cette sunna que par un moyen particulier, alors ce moyen que tu emploieras prendra le jugement de la sunna. Par exemple, tu veux faire tarawih le soir. Bah, tout moyen qui te permettra d'accomplir ce talawih légiféré prendra le jugement du sunnah. Quand même, prendra le jugement d'une sunnah. Un acte recommandé à faire. Est-ce que là, on prend que c'est du hajj quand tu fais ça ou c'est juste. Ah oui, tu prends du hajj, du hajj. Par le moyen, tu prends. Ah, c'est quoi ton but? Ton but, c'est d'accomplir une chose. Cette karida, elle va t'expliquer ça, et en plus, que si tu as des obligations qui sont liées avec autre chose, la chose-là. C'est un moyen pour faire travailler soi, mais non. Par exemple, demain, tu dois faire talab al-ilm, là où tu es, il n'y a rien du tout. Et quelque part, il y a un alim, ou une personne en mesure de faire da'wa et d'appeler. Et toi, tu ne connais pas tes wajibat. Te rendre vers lui est obligatoire pour toi. Donc, tout moyen que tu prendras pour aller vers lui, c'est-à-dire qu'à ce moyen, ce moyen devra être obligatoire pour toi. Et il dit le contraire. Toute chose interdite, tout moyen te menant cette chose interdite, deviendra lui-même interdit. Même si à la base, il est permis. Demain, quelqu'un il veut aller, par exemple, au cinéma, pour aller voir un film. Tout moyen qu'il en prendra, qu'il utilisera pour aller au cinéma, il pourra le pêcher. S'il y va à pied, chaque pas qu'il fera pour aller vers le cinéma, chaque pas qu'il fera, ça comptera comme un péché. Il y va en voiture, pareil. Ce trajet en voiture lui sera interdit. Il y va en train, il y va en métro, il y va en vélo, il y va en moto, il y va en scooter, comme tu veux. Tout moyen qu'il emploiera à ce moment-là pour aller en ce lieu interdit, il pourra les pêcher. Et ce trajet lui sera interdit. Maqal dans son kalem wahkum طيب de là avant ça il dit de là par exemple le shirk akbar tout moyen qui mène au shirk akbar est interdit et contrairement à ce que les ulama disent ce n'est pas tout ce qui mène au shirk akbar qui est nommé shirk asghar ma yalzam hada le shirk asghar c'est tout moyen qui te mène au shirk akbar et qui a été nommé shirk asghar dans la législation. Comme le fait de jurer par autre que Allah. Mathalan. Ou ria. L'ostentation. Amen. Mathalan. Parmi les choses qui mènent au shirk akbar et qui ne sont pas du shirk asghar, le taswir. De façon des images. Par les vidéos, par les photographies. Par la photographie ou les alika. Ça, c'est un moyen qui mène au shirk akbar car c'est comme ça que le shirk a commencé. Par le taswir. Mais lorsqu'on va dire que le musawir fait du shirk asghar, non, il n'y a personne qui a dit cela. À part maintenant dans sa niya, il compte adorer ce qu'il a façonné comme image, c'est autre chose. Mais à la base, demain, quelqu'un il prend son jawel, mais son téléphone, et il filme son frère, c'est haram. Mais est-ce qu'on dit que tu as fait du shirk asghar? Non, pas dire ça. Ou le fait d'aller faire des ibadah après des kubur, c'est des choses qui mènent au shirk asghar. Au Sheikh Akbar Afwan. Le roulou dans les gens, c'est des choses qui amènent au shirk. Akbar. Ça amène à l'adoration. Cette personne par la suite. Car le shirk a commencé comme ça également par le roulou dans les salihin. Donc son kalam, quand il dit Wahkum bihaza al-hukm li zawa'idi, tu prends le même jugement pour les choses en plus. Il parle de quoi là? Par exemple, demain tu vas au masjid. Tu vas à pied. Marlouf que. Chaque pas que tu vas faire pour le masjid, te sont comptés comme une récompense. Et te sont obligatoires car tu dois aller au masjid faire la salat en jama'a. Maintenant, si tu reviens du masjid, ton retour, tu as fini ton obligation. C'est quoi le jugement de ce retour, de tes pas de retour du masjid? C'est ça, Zawaid. Tu prends la récompense également qui vont avec. Et ça revient quoi? À ta niya par rapport à l'acte que tu accomplis. Par rapport à là que tu as compris. Demain, quelqu'un y va, la même personne, elle va au cinéma. Il dit, je vais aller au cinéma, je regarde un film. Barouzbillah. Le cinéma, il est près de chez lui, il va à pied. Chaque pas qu'il fait, c'est compté comme étant des péchés. Après, avant d'arriver au cinéma, il dit, ah non, la séance est dans 2 heures, je me suis trompé, je suis à l'avance. Il retourne en arrière. Il ne retourne pas par Tauba, ce qu'il regrette. Il retourne, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, mais écoute le refaire plus tard. Ou le cinéma, il est fermé, mathalan. Ou il y a trop de monde. Il dit, oh, j'aime pas la queue, je verrai plus tard. Et ben, c'est pas qui compte là qui refait, ils sont comptés comme des péchés également. Car lui, sa niya là, c'est de revenir. C'est pas des pas comme quelqu'un qui est parti là-bas, après il dit, starfallah, qu'est-ce que je fais là? Je vais au cinéma, c'est haram. Après il fait toba. Il revient. C'est pas là en revenant, le compte des bonnes actions. Il a fait tauba. Au début, ouais, les pas qu'il a fait, c'est des... Mais comme il n'a pas fait le haram, il a fait tauba avant d'y arriver, Ou même, il serait dans le film, dans plein film, il se lève, il dit, Astaghfirullah, qu'est-ce que je fais là-dedans? Tu vois, je suis fou. Il craint Allah, il sort. Il fait Toba, Inch'Allah, ce qu'il a fait avancer, c'est effacé. Il n'est pas kiffé pour rentrer, Inch'Allah, il a récompensé, ce qui s'en va du péché. La même qui s'en va du péché. Tout comme celui qui est chez lui, qui n'a pas fait un pas, qui se dit, je vais aller au cinéma aujourd'hui. Après, il voit, il pleut dehors. Il fait, non, je vais pas aller aujourd'hui, je vais aller à un autre moment. Ça n'y a, il a pris le péché. Tu vois? Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama kataba, bayna al-hasanat wa sayyat. فمن هم بحسنه فلم يعملها كتب الله عنده يعني حسنه واحده وان هم بها وعملها كتب الله عنده 10 حسنات 10 حسنات الى 700 الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه ولم يعملها كتب الله عنده حسنه واحده وان هم بها وعملها كتب الله عنده سيئه واحده puis il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes actions et les mauvaises. Celui qui a envie de faire une bonne action mais qui n'a pas pu la faire, Allah lui compte une bonne action auprès de lui. Et celui qui a voulu faire cette action-là et qui l'a accomplie, Allah lui compte de 10 jusqu'à 700 jusqu'à plus décuplé. Celui qui a voulu faire une mauvaise action, mais qui ne l'a pas faite, pourquoi? Par crainte d'Allah. Quand même, il ne l'a pas faite par crainte d'Allah, par peur. Alors lui, ça comptait quoi? Une bonne action. Et par contre, si jamais il l'a fait, cette mauvaise action, là, ne sera compté qu'une seule mauvaise action. C'est-à-dire qu'Allah... La mauvaise action ne compte qu'une fois. Alors que la bonne action, elle est décuplée. Faut le dire. Mais cette mauvaise action, si jamais tu ne la fais pas par ajz et non pas par tawbah, là, elle t'est comptée. C'est-à-dire, toi, tu as l'intention de la faire, mais tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas pu le faire. Mais au fond de toi, tu veux le faire. Et bien, ta niya, là, elle te coûte un péché. Ta niya te coûte un péché. Fanta'ala? Dans la mas'ala, là. Non. Donc, le maqal. Wal khata'u wal ikrahu wal nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahman. Lakin ma'al ittilafu yathbutu al-badal wa yantafi at-ta'thim 'anhu wal zalal. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette qa'ida? Que tout ce qui est erreur commise indélibérément, ce qui est commis par contrainte ou par l'oubli, que cela ne te compte pas de péché. Que le Rahman ne te le compte pas comme un péché. Cependant, si jamais tu as détérioré quelque chose, même involontairement, tu n'as pas le péché de l'acte, mais tu dois quand même dédommager ce que tu as endommagé. Juste, tu n'as pas le péché. Et le dalil de cette règle, c'est le hadith où la qu'Allah Azza wa Jalla دليل وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Au Seigneur, ne nous prend pas, il n'y a pas de reproche si nous nous sommes trompés ou si nous avons oublié. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Qu'il n'y a nul grief sur vous parce que vous avez commis par erreur, c'est-à-dire involontairement. Mais par contre, le grief, c'est sur ce que vous avez commis délibérément, et que Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il y a le hadith que dit quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam in rufi al-qalam an ummati fima ahta'u fihi ou mastuklih alayhi. C'est le ma'ana. Que le qalam a été levé de ma communauté sur leurs erreurs commises involontairement, ce qu'ils ont oublié, ou ce sur quoi ils ont été contraints, malgré eux, de faire. Et la vraie contrainte, le vrai ikrar. Par exemple, tu menaces une chose. Tu menaces de mort. Si tu ne fais pas telle chose, on te tue. Ou on va te faire du mal. À Falen. Vous voyez? Cette chose-là, si jamais tu l'as fait, malgré toi, tu es forcé, tu as une vraie contrainte, avec les règles de la contrainte, de l'ikrar. Inch'Allah, tu n'as pas de péché, compté sur toi. Maintenant, ce n'est pas tout qui est autorisé dans l'ikrar. Par exemple, tu es quelqu'un, on te dit, si tu ne tues pas un tel, on te tue. Toi, tu as pas le droit de tuer un tel. Tu te fais tuer, je te laisse tuer. Tu dis, bah, tuer moi, je tuerai pas. C'est pas tout qui est permis. Le fait... Donc, ça veut dire quoi? Si demain t'as fait une chose par oubli, la femme t'a dit, Wallah, je rentre plus chez Foulen. T'as joué par Allah. Et je t'ai oublié, tu rentres chez Foulen. T'as pas de kafara à faire. T'as oublié. Ou demain, je sais pas, moi, t'as fait, t'as tué quelqu'un par erreur. Un musulman. T'as pas le péché de l'avoir tué. Par contre, tu dois payer el dia. À part si les awliyas te pardonnent. Et tu dois jeûner 2 mois d'affilée. C'est-à-dire le hukm y reste. Mais toi, t'as pas le péché. C'est pas tué. Il n'y a pas de puissance pour toi. Hein? Le jugement, la chose reste. Le jugement, il reste sur toi. Mais tu n'as pas le péché. Et tu as le jugement de l'erreur, pas du volontaire. Demain, tu as fait un accident de voiture, tu as cassé, tu as abîmé la voiture d'un autre frère, l'homme de Kafia, dans ton accident. Tu dois le dédommager. Hein, tu dois le dédommager. Attends, on va en prendre une dernière. Je te cache pas que c'est ce qu'on va prendre là maintenant, là, juste pour la citer. Celle-là, je ne l'ai pas cernée, tu vois. Cette règle-là, je ne l'ai pas assimilée. On la lit, ce que l'auteur il a dit, on va se contenter de cela, que comme encore le Ta'ala, ou la takfou ma lissalaka bi ilm, et ne recherche pas sinon tu n'as pas de science. Cette règle-là, je ne l'ai pas assimilée. Je veux dire vraiment, c'est-à-dire ce que l'auteur a dit, là, j'ai compris, mais donner un exemple plus large ou quoi, j'ai pas en tête. Parce que même moi, il y a des choses sur lesquelles je suis confus, que moi-même, j'ai besoin de réponses. Donc, قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. C'est-à-dire que les choses comme قال المؤلف يعني أنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. Une chose qui à la base individuellement est interdite peut être rendue permise si elle suit une chose permise. L'exemple c'est qu'il donne c'est quoi? Mathalan, vendre une chose inconnue, c'est interdit. Tu ne peux vendre une chose qui est inconnue, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été décrite vraiment comme il se doit, qui n'a pas été choisie. Tamam? Tu n'as pas le droit. Demain, quelqu'un, le chier donne comme exemple, il vend une maison. Il vend une maison. Il dit dans cette maison-là, tu as des fondations qui ont été faites avant la maison. Mathalan, ces fondations, quelqu'un vit voir la maison. Mathalan, cette maison me plaît, je l'achète. Il n'a pas vu les fondations comme elles sont. Il dit, bah là, ces fondations-là, il peut les acheter parce qu'elles suivent la maison. C'est même, elles suivent la maison. Mais moi, comme je t'ai dit, cette règle-là, il y a plein de questions que je me suis posées moi-même en moi qui font que l'akifuna afzal. On va parler plus loin que ce que l'auteur il a dit. L'exemple de la maison avec les fondations. La règle, c'est quoi? Une chose qui peut être interdite, indépendante, individuellement, peut être rendue licite si elle suit une chose licite. Après, on joue en groupe, en fait. Mais, il faut comprendre cette règle-là, parce que sinon, on pourra aller loin. Les gens pourraient mal comprendre la règle et se permettre des choses qui ne sont pas permises à la base. Enfin, aujourd'hui, on a pris quoi, alors, comme Kawaïd? On a pris que la base, dans tout ce qui est les eaux, les choses, les sols, la terre, le sable, les pierres, les plantes, les vêtements, c'est-à-dire les matières, les tissus, la base en cela, c'est que tout est halal. Tout est tahir, tout est pur. Tant qu'on n'a pas une chose qui te montre qu'elle était rendue impure. On a appris que la base dans les rapports avec les femmes et les viandes trouvées et la vie des gens qui sont interdits, comme le muslim ou le ma'ahid, celui qui a un pacte de paix, c'est bien sa personne et sa vie sont interdits. Donc on n'a pas une chose qui permet de pouvoir s'en prendre à lui. Ou la femme étrangère, tant que tu n'as pas une preuve, comme le mariage, ou qu'est-ce que ton esclave. On a appris que la base dans les choses mondaines, coutumes et de choses de dunya, c'est la permission. Tant qu'on n'a pas une preuve qu'il est interdit. Que dans la religion, la base dans les choses, c'est l'interdiction, donc on n'a pas une chose qui la rend permise dans les ibadat ou les valikas. On a appris que les moyens prennent le jugement du but accompli. Ce qui est wajib, le moyen qui te mène à ce wajib devient wajib lui aussi, s'il n'y a que lui. Et qu'il prend la récompense de cet acte avec lui. Et le masnoun, pareil. Et le makrouh, pareil. Et le haram, pareil. Et on a appris que celui qui commet une chose par erreur, par oubli, sous la contrainte, il n'a pas de péché. Par contre, le jugement reste établi si jamais il y a un dédommagement à faire, une expiation à faire, mais il n'a pas de péché, et là, le jugement qui se rapporte à l'acte qu'il a commis. Après la dernière règle, on a appris que les choses qui peuvent être interdites individuellement peuvent être rendues permises si elles suivent une chose permise elle-même et sont liées à cette chose-là. والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.